connais-tu de moi, à part mon visage? Sais-tu ce que j'envisage, ou même le nom du village où j'ai grandi? Petit, j'étais mignon et gentil, plein de bonnes intentions et apprenti dans la vie. Mon avis était comme celui des grands, dès le réveil c'était Club Dorothée devant l'écran. Petit déj, jeu de grand, j'ai les chromes et peu de cran. Donc arrivé à l'école, je reste dans le rang. Quelques minutes avant d'être enfermé, on attend, en jouant aux billes, puis je les revends. Car on m'apprend que maintenant c'est l'époque bien devant. À la mode, ça change aussi vite que le temps de Sophie d'avant. Le soir en rentrant, c'était 45 tours dans mon manche disque vert qui me suivait partout. Ou alors l'été, ça commençait par un tour en vélo, puis des escapades aux 400 coups. Dans ma vie, j'ai joué, j'ai géré, j'ai bougé, tu le sais depuis petit. Sur plein de trucs, j'ai changé, changé, changé, changé ta vie. Dans ma vie, je vais payer toutes mes erreurs, mais tant pis, je souris depuis petit. Sur d'autres trucs, je n'ai pas du tout changé d'avis. Après la rupture de mes parents et la rupture avec mes camarades, c'est marrant. Je me suis construit une carapace égarant, plein de trucs derrière moi, me concentrant pendant des mois et des mois sur mes cours. Car à l'époque je n'avais que ça et mon Walkman arrivé au lycée. Je l'ai enfin laissé pour passer au MD, au CD, au CB découvert. Je remets le couvert puis pars à la découverte de substances vertes et de sons. Je me forge un perso qui est les bastons. Évite les bastons, s'acquiert un peu de matos à fond dedans. Je joue au DJ, fais l'animation, puis lance une émission et des compilations. Copains, copines, à souhait, délire rappé, soirée, loin des coquines, hachées et des narines tachées. Dans ma vie, j'ai joué, j'ai géré, j'ai bougé, tu le sais depuis petit. Sur plein de trucs, j'ai changé, changé, changé, changé ta vie. Dans ma vie, je vais payer toutes mes erreurs, mais tant pis, je souris depuis petit. Sur d'autres trucs, je n'ai pas du tout changé d'avis. Maintenant, y a plus de clémence. Maintenant, y a plus de distance. Maintenant, y a une prise de conscience en plein dedans et de l'assistance. Maintenant, y a plus de licence. Maintenant, y a plus de risques, je pense. Car maintenant, y a l'indépendance. Plus le temps pour ceux qui font semblant. Tu trouves peut-être que l'on est semblable. Que dire à aujourd'hui, ma vie n'est qu'une blague. Et pour moi, c'est un tag gravé à la dague. Je suivrai et resterai toujours véritable. J'espère être à table encore pour quelques années, histoire de voir à quoi je serai condamné. Profiter des êtres aimés et de tous les étés jusqu'à décéder.